CKRL 89.1. Québec. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, ben, on fera pas de changement. Ça va être de la musique gratuite, de la bonne musique. Donc, on va écouter plusieurs pièces durant l'émission. Puis, s'il y en a une ou plusieurs de la gang qui vous intéresse, vous avez juste à aller sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez donc avoir accès à la playlist et vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendu à l'émission. Cette semaine, on va débuter avec un artiste de la France du nom de Botchop qui vient de Strasbourg. Je vous fais entendre la pièce Well Splitted. C'est publié sur New Logic Net Label. Puis tout de suite après, on va entendre Hog Turtle Today. C'est la pièce Nerds on Vacation. Ça, c'est publié sur Kreshloff Organizations, un excellent net label qui nous vient de l'Allemagne. Donc, ben, c'est ça. On débute tout de suite Web Music avec Botchop. We'll be right back. clôturer qu'on avait droit à un camion de vidange en background. C'était Hug a Turtle Today avec la pièce Nerds on Vacation. C'était publié sur l'étiquette Kreshloff Organization. Avant ça, ben, on avait débuté web musique avec Botchop qui nous vient de la ville de Strasbourg en France. C'était la pièce Well Splitted. C'était publié ça sur New Logic Net Label. Pour la suite, je vous propose Dams Cray. C'est publié sur Human Workshop, donc un collectif vraiment intéressant. Publie de la musique gratuite. Ils ont aussi des trucs pour les artistes, des presets pour live et toutes sortes donc de programmes pour faire de la musique. Toujours très impliqué dans le domaine du net audio, donc Human Workshop, allez visiter leur site, plein de choses vraiment intéressantes. Donc, de cette étiquette-là, on va entendre Dams Cray, un artiste de la Russie. On va entendre deux pièces. La première s'intitule AIWS et la seconde The End. C'est donc sur l'album Los Animales, c'est un EP. Donc, on écoute les deux pièces de Dams Cray. We'll be right back. Donc, c'était la pièce The End par Damscree, précédée de la pièce AIWS, donc deux pièces tirées de son album Los Animales, qui est publié sur Human Workshop. Pour la suite, on va se diriger du côté de l'Espagne avec Rubek. Je vous fais entendre sa pièce Wet. C'est un remix par Pedro Troitz. C'est publié sur Subversive Media. Puis ensuite de ça, c'est Negat avec la pièce Nomas de lo Mismo. Donc, on entend ces deux pièces-là à Web Music à l'antenne de CKRL.

c'était donc DJ Galessio avec sa pièce Raw Instrumental Part 1. Avant ça, c'était sa pièce Darix Togni. Donc, deux pièces tirées de son album Love, Beats and Pina Coladas. Ça, c'était publié sur Phonocake, une excellente étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Donc, ben c'est ça pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes toujours donc à l'émission Web Musique. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez pour ça au www.webmusique.ca. Vous allez donc avoir accès à la playlist. J'ai aussi plein de liens qui sont donc en rapport avec la scène Net Audio. Il y a aussi les archives d'émissions. Donc, tout est sur le site de l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous permettre de me rejoindre. Pour la suite, on va entendre un groupe de la Russie qui s'appelle Gosprom. Je vous fais entendre deux pièces tirées de son album Lazy, publié sur Headphonica. Tout d'abord, on va entendre la pièce Greenland, puis ensuite de ça, c'est la pièce Robots Don't Cry, donc deux pièces de Gosprom qu'on écoute tout de suite. Какой-то край, Гренланд, Люфландия. Край, Now. Now, ladies and gentlemen, set your imagination free. Free. Free. Free. He is a creature. He is a creature, an object. Let's have a talk. I'm ready. I have even seen robots explore the moon. Robots explore the moon. I have even seen robots explore the moon. I have even seen robots explore the moon. But I've never heard a robot speak C'était la pièce Robots Don't Cry par Gazprom. Avant, c'était leur pièce Greenland. Donc, deux pièces tirées de leur album Lazy. Pour continuer, on va entendre deux pièces tirées de l'album Pléiade EP. C'est donc par le Belge Krang. C'était anciennement publié sur l'étiquette Phantom et ça a été donc Phantom qui a été englobé par Human Workshop. On va entendre deux pièces. Je vais vous revenir après la première. On va entendre Electra tout de suite puis je vous reviens après. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing. For inwardly they are ravening wolves. You see his hands? Look at the fingers, the tattooed fingers. The fingers of the left hand spell H-A-T-E, hate. And those of the right hand spell L-O-V-E, love. Mm-hmm.